Je donnerai quelques secondes, allant peut-être à la minute, il n'en reste pas tant, pour déguster des choses simples. La belote bridgée, la tisane qui fume, le temps passé entre deux plis, les mots pour rire sur la chance, et puis au bout la phrase simple qui fait du doux « on va dormir ?» Et le soir lent de l'effeuillage, le doux d'un corps qui se blottit, juste un instant être à sa place, se croire alors à l'éternel, la confidence et le murmure. Arrondir une nuit le temps qui vient et les nuages, dormir enfin. Ce sont des jours comme dimanche dans l'obligé d'enfant unique. Le temps d'antan pesait dans l'immobile, attendre l'heure des lundis sans aucun choix que de passer, aucune prise sauf à lâcher. Quelqu'un venait, poussait la porte et vous parlait du déjeuner, parfois venait jusqu'au bureau passer la main dans vos cheveux. C'était le temps de l'ordinaire, on ne jetait ni les mouchoirs ni les chaussettes, on les lavait et reprisait. Ce sont des jours comme dimanche, le temps qu'il reste, le temps qui vient, sont programmés. Tu en connais de ces endroits secrets où l'on pose sa vie tout en recueillement dans un matin frisquet qui ne fera printemps que quelque temps plus loin. Tu y poses ta marche, tu y croques une pomme. Tu te demandes bien ce qu'en ont fait les hommes qui les ont bâtis là. Et soudain, une femme, à pas lents et en bleu, vient se fondre à la pierre, enlacera des arbres et laissera toujours l'image de son vrai que l'on garde sur soi. Ce rêve que je fais les soirs de flottaison, tous ces chemins de toit qui vont jusqu'au village, un peu plus bas la source, la grotte, le torrent, et ta main, ces maisons en deux tons, la montagne et la mer, tes yeux et le creux de ton cou, racines de la vie, du bonheur, marcher, marcher encore au tiède chaud de cet automne, s'arrêter pour s'aimer, avoir bouclé la route, et le café qui fume. Chaque jour un matin et sa magnificence, un soleil qui soulève la couette de la nuit, éblouissant, une goutte de pluie qui fait la transparence et caresse le vent, étincelant, un givre aux doigts qui fait buer l'hiver lumière en terre dure, fantasmagorique. La feuille du bourgeon au terreau, du vert aux brunissures, l'arbre caché qui en sourit. Commencement. Chaque jour la vie, goulûment, avidement. Du matin juste en bas, au midi tout en haut, le soleil avait fait ce qu'il fallait de beau, pied à pied, mot à mot, ne laissant plus en jour qu'une marche superbe, ignorant au passage en ombre et sur l'humide le sous-bois du Madec qui s'éveillait à peine, s'arrêtant en mémoire au rocher du Coucou où des femmes marines allaient guetter leurs hommes au retour des bateaux, comme un cadran de vie qui basculait les heures à tant de souvenances et de traces de pas. Le matin se posait un peu comme peinture entre brume et lumière. Tout était à l'image d'un matin insolent qui s'en irait flamber tout juste un peu plus loin, à peine un peu plus tard. J'en restais à l'esquisse, au flou de la pensée, à poser chaque mot comme on le fait d'un pas, tout délicatement. J'avais lu quelques lignes qui faisaient croire au jour. Je connais ces endroits où l'on peut se poser, où l'on peut s'apaiser, dès lors qu'on a fini de s'arrêter aux mots. Une maison à fleurs et des draps neufs là-haut, où son vit sans contrainte et sans obligatoire, lorsque le quotidien n'a d'autre sens que le léger des rires. Des maisons dans des îles et des sentiers partout, des arbres acérés où rassembler la force, l'énergie du silence et des regards au loin, des départs le matin à ne penser à rien qu'à partager le vent, une pomme et de l'eau, des émerveillements tout en dehors du temps, des bras aussi parfois où juste se poser ou juste reposer. À ne porter personne et n'avoir à se faire que ce dont on est bien. Et ne plus rien se dire que de trouver la paix. Enfin. J'aime ce chat, nous qui avons le même temps, la même histoire, cette ambiguïté floue de mâle féminin, ce prénom androgyne, cette jalousie libre de qui s'est bien aimé, le même endroit serré où se blottir au chaud. Je ne ronronne pas, et depuis bien longtemps je ne mords ni ne griffe. Nul ne sait trop jamais ce qu'il advient de nous quand la porte se ferme pour des heures ou des jours. Nous ne racontons pas. Tout à l'heure, enfin il y a quelques heures, il m'est venu sur les genoux pour la première fois, et nous avons parlé de la vie et du doux. Une lenteur de nuit a écouté mon cœur qui bat tout doucement, laisser le fil des mots et goûter son allant, flotter en le suivant, murmurer comme un rêve les souffles de l'enfant, nuages endimanchés au rythme de mon temps. La paix et le sourire de la vie au-dedans, le sang au gré du chant de la vie qui s'écoule, une chance insensée de se sentir vivant, et le sursaut brutal au clocher carillon. Un nouveau jour qui vient, juste à l'accompagner. Me remontent de loin tous les maudits écrits, en bouleversement de ces longs fils tissés qui sont la même histoire, la force et la puissance des échanges muets, quand il s'agit de rien, de tout et d'en faire partage. Comme il me reviendrait ce soir mille objets familiers où poser un prénom, un univers en moi qui tient toute la place, et le cœur, oui, le cœur, qui ne cesse de battre et appelle les bras, l'envie de s'y poser et de donner encore, réchauffer, caresser et endormir ensemble. L'énergie de la sève, l'intensité de l'arbre, les pas sur le chemin. Comme à chaque fois que mes marées me montent, cette angoisse et ce stress de ne point être au haut, je me retrouve ici, au noir et blanc de mon enfance, sur cette plage de toujours où je guettais la vie et l'espérance du sommet des rochers. Tant de temps à trouver, tant de temps à comprendre, et troquer les couleurs pour ce retour aux sources, au temps choisi du rêve immense, et revenir depuis enfin réconcilié et garder le regard qui m'a posé ici comme une ressemblance. Le ciel, passeur de vie, en bord de nuit, témoin des crises et des images, pages tournées au fil des heures, cette femme d'hier qui parlait de l'horreur, du matricule au bras, les yeux écarquillés qui voient de l'intérieur, et qui sourit au bout, lumineuse et témoin, le ciel sans fumée, en ce pastel de vie, une petite fille qui serre fort son père. La mémoire vivante, la nuit de Marceline comme un éclat de rire qui habitue la mort, terriblement humaine au cœur du monstrueux. soleil quand même du matin, passeur de mots indispensable. Si belle cette voix pour un homme de mots, j'en sais mille nuances. Elle me fait sourire ou en pleurer parfois, de tristesse, de tendresse ou de joie, en velours ou en pierre. Mais c'est tant important ce quelqu'un qui vous parle vraiment, où vous devinez l'autre sans jamais l'inventer. La voix comme un regard de loin, de près, d'ici, d'ailleurs, incomparable, reconnaissable, qui vous laisse muet souvent à attendre la suite et qui murmure en vous quand elle n'est plus là. La voix en arrondi qui dénoue les silences qu'elle avait inventés. La voix. Tout le ciel au dehors s'est mis à grisailler et une bruine infime a mouillé la pelisse. Peu importe, c'est beau, ce sont d'autres reflets. Laissez le vent faire son œuvre comme on attend ici la prochaine marée. Il suffit simplement de mettre la capuche et de marcher plus vite. Je vais faire lumière, ouvrir de mille feux les fenêtres du temps où brillent mes désirs, les clartés de mes joies. L'équinoxe sereine, la lampe du Tibet, la clarté d'un regard, et juste au creux du cœur faire une place vive à l'étoile polaire, qu'elle vienne blottir et tout étinceler. Garder en bord d'automne tous les feux de l'été, et nous faire soleil sans plus rien ombrager. Il est drôle ce temps qui te met pieds au mur et mène un grand ménage comme ferait tempête de trop de feuilles mortes. Sans nul doute, il y avait des approximations qui, d'un coup, se retrouvent emportées en tornade et disparaissent au loin, très loin de toi, et il n'en reste rien. Comme si, soudain, l'inutile et le vain n'avaient plus raison d'être. La peur et le médiocre, quelques jeux de pouvoir réduisent à des sourires. Comme baraque à foire, des silhouettes descendent, ne laissant à toucher qu'un sourire de femme comme éclat d'une lampe, le rire des enfants, tout le reste n'étant que prétexte à survivre quand le temps essentiel ne serait que de vivre. Il est drôle ce temps qui te met dans la main une ligne de chance, fragile et hachurée comme on écrit enfin, au bout de l'évidence, un « je t'aime » éclatant et que l'on sait pourquoi. Il est impitoyable d'être venu si tard. Il est là, il suffit. De tout, de rien, on avait fait la suite. Quand l'arbre desséché avait fini sa tâche, un autre, endimanché, transmettait la parole, et l'on sentait plus loin l'odeur de jus de pomme ou de cidre pressé. Toute branche liée faisait des bras noués. Tout à l'heure, peut-être, quelqu'un viendrait en scie, en destin de brûler. Et c'est la cendre alors qui reprendrait le cycle, retournant aux racines ce qui ne fut que feuille. Nous ne savons jamais, quand nous marchons sur terre, que nous prenons nos forces et les chemins tracés sur les dépouilles vives du tout continué. Tous les mots resteront, on les répétera.